Ami humain, bonjour. Un stratège de la subversion. Origine, Le Monde diplomatique, août 2006. À propos de Guy Debord. Une réserve. Guy Scarpetta conclut son article ainsi. C'est cette radicalité, en somme, qui permet à la pensée de Debord d'être la seule, aujourd'hui, à pouvoir rendre compte de façon critique de tous les aspects de la marchandisation du monde, et de la « fausse conscience » qu'elle a pu propager. En définitive, c'est même en cela que Debord demeure, malgré tous les effets de mode destinés à rendre sa pensée inoffensive, profondément irrécupérable. Il est assez notoire, écrivait-il, que je n'ai nulle part fait de concession aux idées dominantes de mon époque. Telle est, en effet, la grande leçon qu'il nous lègue et qu'il faut savoir, comme lui, faire passer dans nos vies. Si on veut faire passer dans nos vies la critique des idées dominantes, il est nécessaire de se poser la question du pouvoir. Le désir de pouvoir a bien été mis en œuvre par Guy Debord, qui a exclu et insulté beaucoup des camarades, qui ont essayé de militer avec lui. La marchandisation et le spectacle existent aussi dans le milieu radical. Les idées dominantes, c'est effectivement la marchandise et le spectacle, c'est aussi l'amour du pouvoir et sur ce point Guy Debord ne nous aide pas. La sacralisation de Debord est une erreur. Le culte de l'avant-garde est dangereux. Le machisme et le pouvoir sont liés dans l'intime, au genre. Encore une fois, il y a donc loin de la théorie critique à la cohérence entre les idées et les actes. Philippe Coutant, gestionnaire du site, le 6 novembre 2006. La publication, en près de 2000 pages, des œuvres de Guy Debord, 1931-1994, fournit l'occasion d'aller au-delà de la légende situationniste et de saisir la prodigieuse cohérence d'une pensée qui, parce qu'elle n'a jamais renié sa dimension révolutionnaire, nous offre les meilleures clés pour comprendre notre temps. Situation paradoxale que celle de Guy Debord, dans le panorama intellectuel français, d'un côté, tout le monde le cite, fait référence à lui, jusqu'au agent même du spectacle dont il aura été toute sa vie l'adversaire, d'un autre côté, on ne peut qu'être frappé de l'étrange discrétion de la presse devant la parution en volume de l'ensemble de ses œuvres. Un tel livre, pourtant, qui rassemble, outre ses ouvrages déjà publiés, tout un précieux recueil de lettres, de directives, d'interventions, d'articles parus en revue, de notes inédites, et d'évidence un événement, permettant, tout à la fois, d'éclairer le cheminement de cette pensée, année par année, et d'en saisir l'impressionnante cohérence. Mais tout se passe comme si Debord, désormais, se devait d'être ramené à quelques clichés, à quelques formules stéréotypées et affadies sur la « société du spectacle », et cela, au détriment du parti pris indéfectiblement révolutionnaire de celui qui n'aura eu d'autre objectif, dans ses textes comme dans sa vie, que de nuire à l'ordre établi ou, du moins, de ne rien lui concéder. Au début des années 1950, Debord est au centre d'un petit groupe de jeunes gens qui s'évertuent, dans la lignée de certaines avant-gardes du début du siècle, à soutenir que l'art est mort en tant qu'entité, séparée, que la poésie doit désormais passer dans la vie. Dada, pense-t-il, a voulu supprimer l'art sans le réaliser, le surréalisme a voulu réaliser l'art sans le supprimer, c'est précisément cet antagonisme qu'il s'agit de dépasser. Chaque vie doit être inventée, et non subie, la ville, en l'occurrence Paris, est le territoire même des « dérives », des aventures, d'où le scandale fomenté, par exemple, contre Le Corbusier, coupable selon eux de soutenir une conception de l'urbanisme visant à « détruire la rue ». L'objectif est de « créer des situations », ce qui implique un dédain affirmé envers tout l'art existant, et plus généralement envers toute culture, aliénée, coupée de l'expérience directe. Tout au plus peut-on prendre acte de la « décomposition » de cette culture et imaginer, après l'autre et amont, les techniques permettant de la « détourner ». Dans une deuxième période, correspondant, en gros, au passage de l'international lettriste à l'international situationniste, Debord va très nettement élargir le champ d'action, c'est-à-dire le politiser. La contestation de la culture débouche logiquement sur celle de la société. la rencontre avec Marx était inévitable encore qu'il s'agisse, en ce cas, d'un marxisme hétérodoxe, aux antipodes du communisme officiel. Pour Debord et ses amis, c'est la « contre-révolution » qui a triomphé, au XXe siècle, lorsque l'État totalitaire s'est substitué en Russie au pouvoir des soviets, ou lorsque les soulèvements libertaires de la guerre civile espagnole ont été écrasés par la bureaucratie stalinienne. Debord, surtout, perçoit ceci, la logique de la « marchandise » dont Marx avait analysé le lien au système de production, s'étend désormais à tous les aspects de la vie quotidienne, la part de « loisir » dégagée par l'évolution technique, loin de susciter des libertés supplémentaires, débouche sur l'expansion du spectacle, propulsant des besoins factices sans cesse renouvelés, soumettant nos vies à des représentations manipulées et falsifiées, qui deviennent notre rapport au monde. C'est l'époque, pour Debord, de nouvelles complicités internationales, d'alliances tactiques scandées par des « manifestes », le groupe ne cesse de se recomposer, et aussi d'une intense élaboration théorique, ce qui débouchera, en 1967, sur ce livre décisif qu'est la société du spectacle, implacable ensemble de thèses impeccablement martelées. Le spectacle, écrit Debord, n'est pas un ensemble d'images, mais un rapport social entre des personnes, médiatisé par des images. La « société du spectacle » n'est pas seulement l'hégémonie du modèle médiatique ou publicitaire, mais, au-delà, le « règne autocratique de l'autonomie marchande ayant accédé à un statut de souveraineté irresponsable » et l'ensemble des nouvelles techniques de gouvernement qui accompagnent ce règne. On connaît la suite, la propagation souterraine de ces thèses, leur ramification dans le milieu étudiant, de Strasbourg à Nanterre, et pour finir l'explosion de mai 68, dont l'esprit situationniste apparaît comme le foyer secret, brûlant, irradiant, peut-être moins par son influence directe, notamment, à la Sorbonne, sur le comité pour le maintien des occupations, que par son inspiration diffuse. C'est lui qui vibre alors dans les slogans, les affiches, les inscriptions qui envahissent les rues. La suite est plus sombre. Debord se rend compte, assez vite, que ce qui l'a propulsé risque, par extension, de sombrer dans le lieu commun, c'est-à-dire d'être dilué dans une contestation banalisée, conformiste. D'où la dissolution de son « international », qui n'a jamais, au mieux, compté qu'une quinzaine de membres, le repli, les exils volontaires, notamment en Italie, occasion de démontrer la vraie nature du « compromis historique » sollicité par les communistes, et d'indiquer, avec une imparable lucidité, la manipulation et l'infiltration des brigades rouges par le pouvoir d'État. Rencontre, ensuite, avec un mécène, Gérard Lebovici, dont les éditions publieront les auteurs de prédilection de Debord, de Gracian à Orwell, et qui consacrera une salle à la diffusion exclusive de ses films, car toute cette aventure aura été ponctuée par une singulière activité cinématographique, visant à détruire le spectacle de l'intérieur, avec ses propres armes retournées. Lebovici, un jour, sera assassiné, dans des circonstances mal élucidées. Debord, lui, de plus en plus irréductible, de plus en plus isolé dans sa radicalité, à l'heure où la plupart des 68 arts se rallient à l'ordre libéral établi, consacrera ses derniers efforts à riposter aux images, le plus souvent calomnieuses, qui sont données de lui et de ses œuvres. S'engageant dans une écriture à la fois classique, subversive, souveraine, condensée, désabusée, n'hésitant plus désormais, ce qui culmine dans le prodigieux panégyrique, à évoquer sa propre expérience, à la première personne non par narcissisme, car le narcissisme est aussi l'un des ingrédients du spectaculaire, mais plutôt pour suggérer que la résistance au monde intégralement marchandisé revient aussi à affirmer, envers et contre tout, qu'une autre façon de vivre est possible que celle qui nous est imposée. Le livre majeur de cette ultime période, c'est sans doute les commentaires sur la société du spectacle, de 1988, où Debord étend et approfondit ses analyses de 1967, en nous livrant le diagnostic le plus pénétrant qui soit sur le monde contemporain, et les principales clés permettant de le comprendre. Un an avant la chute du mur de Berlin, il pressent que l'opposition entre la forme, concentrée, du spectacle, les régimes communistes, et sa forme, diffuse, le capitalisme occidental, est sur le point d'être surmontée, fondue dans un « spectaculaire intégré », régnant désormais planétairement sans partage. C'est très caractéristique. le renouvellement technologique incessant, par exemple, la marchandise informatique imposée, transformant tout utilisateur en client assujetti, la fusion économico-étatique, l'absorption de l'État dans le marché, le secret généralisé, les vraies décisions sont inaccessibles, le modèle mafieux triomphe dans l'instance politique, le faux sans réplique, pour la première fois, les maîtres du monde sont aussi ceux de ses représentations, le présent perpétuel, abolition de toute conscience historique. Cela crée un univers de servitude volontaire sans précédent. La véritable nouveauté du spectacle, selon Debord, c'est d'avoir pu élever une génération pliée à ces lois, qui regarde toujours, pour savoir la suite, n'agira jamais, et tel doit bien être le spectateur. L'heure, d'évidence, n'est plus aux grandes utopies collectives, le spectacle a tout envahi, tout absorbé, y compris les critiques partielles, localisées, de son système, qui n'en vise que les effets périphériques, il n'en est pas moins possible de refuser radicalement ce système. Ce qui, au demeurant, chez Debord, n'exclut pas une certaine tonalité de nostalgie, la régression est telle, désormais, qu'il peut être révolutionnaire de regretter certains aspects révolus du passé, ce, justement, que le spectacle a anéanti. Au total, donc, un volume passionnant, où l'on peut suivre le parcours de Debord dans toutes ses étapes dont aucune n'est le reniement des précédentes. À noter, la fulgurance de certains textes ici publiés, jusqu'alors inédits, ou introuvables. Par exemple, cette « Adresse aux révolutionnaires d'Algérie » de 1965, à l'époque où le putsch de Houari Boumediene évinça M. Ahmed Ben Bella, ou cet étonnant article de 1967 sur la révolution culturelle chinoise, analysé dans toutes ses contradictions, ou encore, plus près de nous, ces « Notes inédites sur la question des immigrés » décembre 1985, où Debord pose la question dérangeante entre toutes de savoir à quoi, exactement, les immigrés sont sommés de « s'intégrer » au moment où le spectacle est en passe de complètement américaniser ce qui reste de la France. Autant d'analyses précises, clairvoyantes, anticipatrices, ne cédant à aucun lieu commun, aux antipodes, notamment, des stéréotypes et des aveuglements de la gauche conformiste. Il ne s'agit pas seulement, ici, de remarquer que Debord n'a jamais manifesté la moindre complaisance envers le camp socialiste, ou les dictatures du tiers-monde, ou encore faut-il se demander pourquoi, chez lui, c'est la recherche du point de vue le plus révolutionnaire qui génère, sur tous ces sujets, le maximum d'intelligence et de lucidité. À noter aussi l'extraordinaire intérêt de ses textes cinématographiques. Car même s'il s'agissait, pour lui, de détruire ce code de l'intérieur, en brisant toute fascination spectatrice, en dissociant systématiquement l'image et le son, en affirmant le primat de la pensée sur le visuel, le plus souvent ramené à des images documentaires ou à des plans détournés, il n'en reste pas moins que les films de Debord, et par-dessus tout ce chef d'œuvre qu'est Ingi Romimus Noctae et Consumi Murini, représentent une tentative inouïe de projeter du côté de la conscience historique et subjective, un art en principe voué à l'évacuer. D'où des films qui tiennent à la fois de l'essai, de la confession, de la méditation, de la compréhension du monde à travers ces images, et qui ne peuvent se comparer à rien d'autre sinon, peut-être, aux ultimes réalisations de Jean-Luc Godard, et l'on se prend du reste à regretter qu'aucun dialogue entre ces deux géants, qui se détestaient cordialement, n'ait jamais pu s'établir. Il est permis, certes, de ne pas adhérer aveuglément à tout ce qu'a écrit ou soutenu Debord. De trouver excessive et injuste, par exemple, sa répudiation quasi systématique de tout l'art et de toute la littérature de son temps, alors qu'il est clair désormais que c'est précisément toute l'effervescence créatrice du XXe siècle que le spectacle tend à détruire, ou à rendre, illisible. Ou encore, il n'est pas interdit de trouver quelque peu suspecte la tendance de Debord à opérer, dans les groupes dont il s'est entouré, des suites régulières de ruptures, d'exclusions, d'épurations, visant parfois ceux qui lui étaient les plus proches, réduisant d'autant la portée collective, donc politique, de ses positions. Mais peut-être tout cela, au fond, n'était-il que la rançon obligée de son intransigeance, de son exigence quasi absolue de radicalité, lui qui savait que tout groupe subversif doit s'attendre à être, tour à tour, égaré, provoqué, infiltré, manipulé, usurpé, retourné. C'est cette radicalité, en somme, qui permet à la pensée de Debord d'être la seule, aujourd'hui, à pouvoir rendre compte de façon critique de tous les aspects de la marchandisation du monde, et de la « fausse conscience » qu'elle a pu propager.